sur les prairies mouillées, et les parfums rouillés de l'automne évoquent en moi des rêves oubliés, les feux des bords, l'herbe des fossés. Que restera-t-il de ce bel été? Chabadalabedabala, la neige enfin ourle les murs et cache les bois. Le vent mauvais a claqué la porte, le bois du saignée ne suffira pas. Et mon lit froid me porte légère, que restera-t-il de ce bel hiver? Source blonde éveille chaque graine en désir, et mon chien fou a peu de plaisir, il t'a reconnu, tu es de retour. Passe l'hiver, passe les automnes, il me reste tout car je t'aime encore.